Le Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS, est une base de données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, financée par le gouvernement américain qui suit les blessures et les décès causés par les vaccins. Un rapport de 2011 de Harvard Pilgrim Healthcare, Inc. pour le ministère américain de la Santé et des Services Sociaux, HHS, a déclaré que moins d'1% de tous les événements indésirables liés aux vaccins sont signalés au gouvernement, bien que 25 des patients ambulatoires subissent un événement indésirable médicamenteux, moins de 0,3 de tous les événements indésirables médicamenteux et 1 à 13 des événements graves sont signalés à la Food and Drug Administration, FDA. De même, moins de 1 des événements indésirables liés aux vaccins sont signalés. Les faibles taux de notification empêchent ou ralentissent l'identification des médicaments et vaccins problématiques qui mettent en danger la santé publique. De nouvelles méthodes de surveillance des effets indésirables des médicaments et des vaccins sont nécessaires. Actuellement, les données des deux injections expérimentales d'Arnhem Covid qui ont été signalées volontairement sont disponibles pour une période de 2 semaines de la fin décembre au 22 janvier 2021. Les données couvrent 9845 cas, dont 329 décès. Le plus grand nombre de décès est survenu chez des personnes de plus de 75 ans. On ne saurait trop insister sur le fait que ces données VAERS sont entièrement volontaires, de la part des prestataires de « soins de santé » ou des patients, et puisque pratiquement tous les prestataires de « soins de santé » estiment que les vaccins sont sûrs et efficaces, très peu d'entre eux relieront des effets indésirables aux vaccins eux-mêmes, en particulier les décès. Cela signifie que potentiellement le nombre de décès réels dus au vaccin Covid est bien supérieur aux 329 signalés au VAERS, et pourrait être 100 fois plus élevé, ou 18 000. Nous vous recommandons vivement de prendre le temps de lire ces rapports de décès VAERS. Au bas de chaque rapport se trouve une entrée, rédaction, décrivant comment chaque patient est décédé, et c'est vraiment horrible. Un homme de 82 ans dans une maison de soins infirmiers a reçu cyniquement un test Covid PCR le lendemain de la vaccination, testé positif pour Covid, et décédé peu de temps après, et le décès a été attribué à un Covid asymptomatique, pas au vaccin. Après la vaccination, le patient a été testé positif au Covid-19. Le patient était très malade et avait de nombreux problèmes de santé chroniques avant la vaccination. L'établissement avait un certain nombre de patients qui avaient déjà été testés positifs pour le Covid-19. La vaccination s'est poursuivie dans un effort pour empêcher ce patient de contracter le virus ou pour atténuer son risque. Cela a échoué et le patient est décédé. VAERSID 917117. Il y a eu au moins un décès enregistré d'un bébé à naître mourant juste après que la mère ait reçu une injection expérimentale d'Arnhem Pfizer pendant la grossesse. J'étais enceinte de 28 semaines et 5 jours lorsque j'ai reçu la première dose du vaccin Covid-19. 2 jours plus tard, 25/12/2020 dans l'après-midi, j'ai remarqué une diminution du mouvement du bébé. Il a été constaté que le bébé n'avait pas de rythme cardiaque au début de la matinée le 26/12/2020 et j'ai accouché d'un fœtus femelle non viable de 2 livres 7 onces à 29 semaines de gestation. J'avais 35 ans au moment de la mort fœtale et le seul antécédent de grossesse pour cette grossesse comprenait une insertion de cordon vélamenteux qui était étroitement surveillé par un OB à haut risque. Mon dû estimé était le 12 mars 2021. VAERSID 918034, comme il a déjà été signalé sur Health Impact News, les lignes directrices pour l'utilisation d'urgence de l'injection expérimentale d'Arnhem Pfizer au Royaume-Uni ont averti les femmes enceintes et les femmes prévoyant de devenir enceintes de ne pas recevoir le vaccin expérimental. Mais les directives de la FDA publiées aux États-Unis pour la même injection expérimentale de Pfizer n'incluaient pas de tel avertissement. À la lecture des notes d'accompagnement de ces cas qui ont été signalés au VAERS, il est clair que de nombreux professionnels de la santé hésitent à déclarer ces cas, craignant probablement des répercussions. Dans certains cas, les membres de la famille ont déposé le rapport parce que l'établissement de santé a refusé de le faire. Voici quelques exemples. VAERSID 913733. Ma grand-mère est décédée quelques heures après avoir reçu le rappel du vaccin Moderna Covid-1. Bien que je ne m'attends pas à ce que les événements soient liés, l'hôpital traitant ne l'a pas reconnu et je voulais être sûr qu'un rapport a été fait. VAERSID 914621. Résident dans notre établissement de soins de longue durée qui a reçu la première dose du vaccin Moderna Covid-19 le 22/12/2020, le seul effet secondaire documenté était une légère fatigue après avoir reçu. Elle est décédée le 27/12/2020 de cause naturelle par rapport. A déjà été dans et hors des soins palliatifs, a résidé dans une maison de soins infirmiers pendant 9 ans et plus, des personnes âgées atteintes de démence. En raison de la proximité de la vaccination, nous avons estimé que nous devrions signaler le décès, même s'il n'est pas soupçonné d'être lié. VAERSID 914895, injection donnée le 28-12-20, aucun événement indésirable et aucun problème hier, décès aujourd'hui, 30-12-20, vers 2h aujourd'hui, inconnu s'il y est administrateur marqué comme cause naturelle. Étant donné que si peu de rapports sont effectivement enregistrés dans le système de rapport du VAERS, quel est le nombre réel de personnes tuées par ces injections mortelles? Pour ceux qui ne sont pas tués, combien seront paralysés ou souffriront de maladies auto-immunes pour le reste de leur vie? Si pendant les périodes pré-Covid, moins de 1 de toutes les blessures et décès dus au vaccin ont été signalés au VAERS, faisons une estimation prudente et disons cela, car il est largement connu que les injections de Covid ont été accélérées sur le marché et n'ont pas encore été approuvées par la FDA, qu'un plus grand pourcentage est signalé, comme disent des effets indésirables, y compris des décès. Nous envisageons un rythme de près de 1000 décès par semaine par injection en raison d'injections d'arnhem non approuvées par la FDA parmi près de 40 000 cas par semaine de blessures dues à ces injections. Il s'agit d'une crise de santé publique qui est sans évitable et sans causée par Big Pharma et le gouvernement. Il est bien connu maintenant qu'en raison du financement fédéral du Covid en 2020, presque tous les décès ont été enregistrés comme des décès, Covid, même dans les cas où le décès est survenu par accident de la route, fusillade, crise cardiaque, etc. Maintenant, nous voyons exactement le contraire se produire avec le déploiement des injections expérimentales Covid. Aucun d'entre eux n'est enregistré comme décès par vaccin. Pourquoi ? Parce que le CDC ne fournit pas de catégorie pour les décès par vaccin à utiliser sur les certificats de décès. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez cet article publié par Health Impact News en 2018 d'une dénonciatrice du greffier des certificats de décès qui a révélé la politique derrière l'inscription de la « cause de décès » sur les certificats de décès. Elle a écrit « Notre système actuel de saisie des taux de mortalité peut fournir et fournit une image généralement inexacte et inexacte des causes d'un décès. Le processus de création et d'enregistrement des causes de décès dans les archives publiques est un processus compliqué, alambiqué, politisé, complètement ouvert à la fois à l'ignorance et aux manipulations d'intérêts personnels, professionnels et gouvernementaux. C'est moi qui crée ces statistiques et je vous propose ceci. Si vous enlevez une chose, éliminez un scepticisme plus sain, même sur les statistiques traditionnelles les plus acceptées, rapportées au niveau national, CDC ou autres statistiques, scientifiques. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les médecins ne sont pas autorisés à attester quoi que ce soit qui ne soit pas une cause strictement naturelle de décès. L'éditeur du site internet de Health Impact News, Brian Chiavi, écrit « Des accusations criminelles pour meurtre doivent être déposées immédiatement, les injections expérimentales doivent être arrêtées. » Brian Chiavi ajoute « Nous assistons au meurtre de masse d'Américains sous nos yeux et au génocide de notre population âgée. Les médias d'entreprise contrôlés par Pharma sont complices de ces meurtres qui non seulement échouent à publier ces statistiques dérivées d'un système de rapport gouvernemental, mais publie en fait des mensonges et des fausses nouvelles pour encourager les gens à recevoir des injections mortelles. En tant que journaliste d'investigation, j'ai toujours présenté les preuves qui devraient être utilisées pour arrêter et inculper les criminels derrière cette atrocité qui n'est rien de moins qu'un meurtre de masse, et des crimes contre l'humanité. » Le magazine Principia Scientific International, PSI, précise ceci, « Les maisons de soins infirmiers hésitent probablement beaucoup à affirmer que ces vaccins tuent leurs résidents, peu importe à quel point cela devient évident. Les régulateurs d'État pourraient retirer leur licence d'exploitation pour avoir fait des déclarations « irresponsables » qui pourraient « alarmer » les résidents et les faire hésiter à prendre les vaccins, même si une condition de leur résidence est qu'ils prennent le vaccin. Et la plupart des résidents des maisons de soins infirmiers reçoivent des prestations du gouvernement pour payer leurs soins en maison de retraite, il y a donc une incitation financière pour les maisons de soins infirmiers à rester délibérément ignorantes de tous les résidents éliminés avec les vaccins. Du point de vue du gouvernement, ces vaccins Covid sont très rentables, un investissement de 20 par injection, leur permet d'économiser des centaines de milliers de dollars par an en frais de logement et de soins de santé, lorsque ces aînés sont marqués aux orteils et emmenés à la morgue sans autopsie nécessaire. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas été prévenus que cela arriverait. En 1988, le journaliste d'investigation Eustace Mullins a publié son livre, Murder by Injection, Meurtre par Injection, qui a été ignoré par les médias grand public comme seulement une autre de ses théories du complot farfelu, comme son exposé sur la réserve fédérale. Que la « Fed » ait un intérêt direct dans la progression de cette « pandémie » n'est qu'une autre théorie du complot.